Tu me perçois là-haut. Je fais des poses de ouf. Mais c'est complètement con en fait. En plus, on m'a même pas vu. Allez, c'est reparti. Marie-Aline, l'aventurier du dimanche. Je descends jusqu'à Renard Auguste et toi. Tu me sautes dans les bras. J'ai la flotte dans les bottes, oh merde. Et comme une enfant, tu ris. Et comme une enfant, tu ris. Ris encore par pitié. Tu es tout ce que j'aime chez une femme. Tu es tout ce que j'aime chez une femme. Et le son de ta voix, les façons que t'as, ton approche de la vie et du monde me font vraiment penser que tu es tout ce que j'aime chez une femme. C'est tellement intense, je prie dans ma danse. Ça ressemble à des vacances, mais c'est un voyage vers la transe. Tu es tout ce que j'aime, ouais, tu es tout ce que j'aime. J'ai une femme.